À 4h30, le baron alla droit chez madame Marneff. Le cœur lui battait en montant l'escalier comme à un jeune homme, car il s'adressait cette question mentale. La verrai-je? Ne la verrai-je pas? Comment pouvait-il se souvenir de la scène du matin où sa famille en larmes gisait à ses pieds? La lettre de Valérie, mise pour toujours dans un mince portefeuille sur son cœur, ne lui prouvait-elle pas qu'il était plus aimé que le plus aimable des jeunes gens? Après avoir sonné, l'infortuné baron entendit la traînerie des chaussons et l'exécrable tousserie de l'invalide Marneff. Marneff ouvrit la porte, mais pour se mettre en position et pour indiquer l'escalier à Hulot par un geste exactement semblable à celui par lequel Hulot lui avait montré la porte de son cabinet. « Vous êtes par trop Hulot, monsieur Hulot, » dit-il. Le baron voulut passer. Marneff tira un pistolet de sa poche et l'arma. « Monsieur le conseiller d'État, quand un homme est aussi vil que moi, car vous me croyez bien vil, n'est-ce pas, ce serait le dernier des forçats s'il n'avait pas tous les bénéfices de son honneur vendu. Vous voulez la guerre? Elle sera vive et sans quartier. Ne revenez plus et n'essayez point de passer. J'ai prévenu le commissaire de police de ma situation envers vous. » En profitant de la stupéfaction de Hulot, il le poussa dehors et ferma la porte.